Dans l'herbe. Dans l'herbe me suis-je allongé, au beau milieu des pensées et des œillets, songeant à mon plus bel avenir. Et déjà je le voyais venir, cet avenir aussi doré que le miel, gambadant dans le plus pur azur du ciel, lorsque le soleil doucement me dit: ce qu'il y a de plus beau, c'est la vie. Lili Bingounia.